Adieu l'ami, faut se quitter, car tout s'arrête avec l'été l'ami. Les feuilles sont tombées sur les routes gelées. L'ami, quand on courait sur les chemins pavés de fête, mouillés de vin, l'ami, nos chansons nous disaient que cela durerait. La vie. Sait jamais, tout peut recommencer. Au revoir, il faut croire en l'été, l'ami. L'harmonica chante sans nous. Chante encore nos 400 coups, l'ami. Si un jour il se tait, c'est qu'on aura changé. Jamais tout peut recommencer. Au revoir, au revoir. Il faut croire en l'été, l'ami.